Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. La radio du festival Archipel. Archi Chouette. En direct. De 10h à midi. Archi Nul. Sur Archipel. Archi Fort. Archi Gros. .org. Bonjour. Bonjour Archi Radio. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, donc on en est... Cinquième matinée de Archi Radio, en direct depuis la maison communale de Plainpalais pour le festival Archipel. Et puis aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Emmanuel Holterbach, qui était hier au salon d'écoute à 22h30 et qui présente une performance le vendredi 8 avril. Donc, ce sera notre invité du jour à partir de 10h20. Et hier, qu'est-ce qu'on a, on a eu Madeleine Leclerc, en invité du jour à la radio et surtout avec son partage d'écoute à midi. Voilà. Que moi, je n'ai pas pu écouter en direct, mais je l'ai écouté hier soir en rentrant à la maison. Donc, j'ai écouté les archives. Et c'était très beau. Je regrette un peu de ne pas avoir pu l'écouter dans le dispositif relaxant. Toi, tu as fait ça, Clara ? Moi, je l'ai fait, mais finalement, j'ai eu l'impression que ce qui était peut-être un peu frustrant, c'est qu'on, quand on était dans le salon d'écoute, on n'entendait pas si bien, en fait, Madeleine et Marie qui parlaient des pièces. Donc, on ratait un peu leurs commentaires dessus. Donc, par contre, les musiques étaient incroyables. Oh. Mais finalement, les auditeurs d'Archi Radio, je pense, étaient mieux logés pour... Tout à fait. Donc, vive la radio. Moi, j'ai bien entendu même les archives. Voilà. Et puis, le soir, il y avait un concert de la violoniste Aïcha Orazbayeva. Très beau, ouais. Qui était vraiment très très beau et qui mélangeait différentes pièces du répertoire baroque ou d'un répertoire contemporain et de ses propres compositions. Donc voilà, moi c'était la première fois que je découvrais son travail et je trouvais très émouvant. Aussi. Après j'ai dû partir, mais toi tu as pu aussi continuer la soirée. Exactement, ouais. Et puis après j'ai découvert le travail d'Emmanuel Holterbach. Au salon d'écoute, mais ça, je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce qu'on va y revenir à 10h20. Exactement. Donc, comment déjà la procédure, cinquième jour, et maintenant j'ai tout oublié. Est-ce qu'on avait avant, on écoutait le son mystérieux ou on faisait le... Non, d'abord, on, on va écouter la capsule qui réalisée par Perrine. Mais alors, on s'est fait un peu tirer les oreilles hier par la directrice du festival qui nous écoute peut-être. Bonjour. Voilà. Ce n'est pas le résumé de la journée, c'est une petite capsule de quelque chose qui est passé au festival, mais il y a beaucoup de impressions. C'est les impressions du jour. Il y a beaucoup plus de choses qui sont passées. Donc, on va écouter. Je vais lancer un jingle, pas besoin de parler. C'était hier. Quel bruit pourrait faire un bâton de pluie? Je vais jouer une pièce qui s'appelle Paysage avec oiseau, qui est une pièce pour flûte seule. Il y a un paysage sonore plein d'oiseaux et très calme, mais un peu agité aussi. La feuille de brique, et dessous, c'est des algues. Algues. lundi soir du Festival Archipel. Il y a un entracte. Il est tout petit, tout petit. J'ai mon lundi de congé. Au lieu d'être à la maison, là, c'est une violoniste. Le crin de l'archet. Respiration. Et retour au présent. Merci Perrine. Merci pour cette capsule impressionniste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ce n'est pas votre radio qui avait un problème. voilà, c'était lundi, on attaquait la semaine et c'était vraiment une journée très différente de dimanche, parce que j'ai fait aussi la capsule de dimanche. Et voilà, c'était un tout autre rythme. J'ai vécu cette journée très différemment. Donc ça a donné ça. Et maintenant, on vous fait un petit résumé de ce qui va se passer ce matin dans Archi Radio. Donc, comme on vous l'a dit, notre invité du jour, c'est Emmanuel Holterbach. Mais avant, on retrouve, comme d'habitude, Doris et Vincent. Donc, petit moment culturel de la librairie. Voilà, et puis après, on aura un documentaire réalisé par Rudy sur les installations qui se trouvent au festival, si je ne dis pas de bêtises. Cathy Fanek et Claire Frachenburg, donc dans la maison communale de Palais, il y a plusieurs installations sonores. Toi, tu nous as choisi deux, c'est bien ça? Pour ce documentaire. Pour ce documentaire. Cas, c'est déjà deux, puisqu'il y a beaucoup à faire et à dire. Voilà. Puis on retrouve Jérémy avec son tuto Sonic et puis Jérôme Poré pour son objet singulier. Et le partage d'écoute. L'invité mystère. Ah, ben l'invité mystère, aujourd'hui, ça va être un vrai invité mystère. Pour la première fois de cette archi-radio, on aura vraiment un rendez-vous mystère. Et mystérieux. Et mystérieux, donc on vous invite à rester au moins jusqu'à cette heure-là. Parce qu'en plus, à midi, après, on aura notre Vincent Deroguin qui va nous faire son partage d'écoute de midi à 13h. Voilà, et qui... prépare son concert qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le mercredi au salon d'écoute. Exactement. Et puis n'oubliez pas donc, notre jeu du son mystère, toujours, hein, c'est un peu radio mystère aujourd'hui, à 11h10, vous pourrez appeler le numéro 078 244 57 54 pour gagner une entrée pour les concerts de ce soir. Et donc le son mystérieux du jour a été enregistré par l'artiste sonore Félix Blum. Et on peut l'écouter tout de suite. Merci beaucoup Félix pour cette magnifique prise de son et ce son très mystérieux, néanmoins éventuellement trouvable. C'est une des premières fois, je crois, qu'on a un son qu'on pourrait presque trouver. On a beaucoup d'espoir les auditeurs et les auditrices. Si vous avez des doutes, vous pouvez le réécouter à l'infini sur la page du site de Archiradio, ainsi que chercher le numéro de téléphone pour nous rappeler à 11h10.